Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit : « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. »